Merci d'écouter les petites histoires. Pour profiter pleinement du podcast, vous pouvez vous abonner. Vous n'aurez plus de publicité et accès à des histoires exclusives. L'abonnement est super simple, sécurisé et sans aucun engagement de durée. Pour en savoir plus, rendez-vous sur telming.com ou cliquez sur le lien dans la description de l'épisode. Les petites histoires, petites histoires, les petites histoires, les petites histoires de Telming. Coucou les enfants! Aujourd'hui, Karine et Arnaud vont vous raconter la sculpture d'anniversaire, la nouvelle histoire de Cécile. Bonne écoute! Ce matin-là, à la récré, Amina, José et moi, on n'avait pas spécialement envie de jouer. On s'est assis sur le banc près de la grille, et puis Amina m'a demandé « Tu vas offrir quoi, Marcus ?»« Hein ? Pourquoi je lui offrirai un truc ?»« Mais enfin, Laura, c'est son anniversaire, tout le monde le sait !»« Hein ? Déjà ?» Bah oui, hein, les anniversaires, c'est chaque année, hein, le même jour. Hein. Mais quand ? Bah demain. Je n'en revenais pas d'avoir oublié. En même temps, je suis plutôt du genre distraite. Et si je note pas les choses dans mon carnet, j'ai 9 chances sur 10 de les oublier. Il faut absolument que je lui trouve un cadeau. Pour demain ? Mais comment je vais faire ? T'as de l'argent ? Rien. Tu pourras peut-être en demander à tes parents. Hein. Jamais. Quand ils sauront que c'est pour Marcus, ils vont me poser un milliard de questions sur lui, alors non merci. Hein. T'as qu'à lui offrir des fleurs. Des fleurs, c'est nul. C'est les adultes qui offrent ça quand ils ont pas d'idée. Hein. Tu pourrais lui fabriquer un truc alors, genre, je sais pas, un gâteau. Mais non, j'ai le don pour tout carboniser. Ah, alors t'as qu'à lui sculpter un truc, t'es super doué. Je vais quand même pas faire une statuette de lui. Surtout pas, hein, ça serait trop bizarre. Hein. Tu pourrais sculpter un truc qu'il aime plutôt. Il passe son temps à parler et à jouer au poké-truc. Marcus allait être épaté. Sauf qu'en rentrant à la maison, je me suis rendu compte que je savais pas quel poké-truc sculpter. Il y en avait plus de 150 et interdiction d'utiliser la tablette. Je n'avais qu'une solution, me creuser les méninges façon archéologue des souvenirs. Je me suis réfugiée dans ma cabane de coussin, j'ai fermé les yeux et j'ai essayé de me souvenir. Et j'ai eu un trou. Un trou ? Pas moyen de me rappeler quel poké-truc il préfère. Mais t'as fait comment alors ? J'ai enquêté. T'es allé l'espionner pendant la nuit ? Mais non ! J'ai demandé à mes parents si je pouvais utiliser leur ordinateur pour faire des recherches. Sur les poké-trucs ? Et ils ont accepté ? Oui, j'ai dit que c'était pour un exposé. Et ça t'a aidé à te souvenir ? Pas du tout. Les noms ne me disaient rien. La galère. Alors j'ai suivi mon instinct. J'ai choisi celui que je trouvais le plus classe. Et ton cœur t'a guidé vers le poké-truc préféré de ton amoureux. Oh, j'espère. En tout cas, je crois que je m'en suis pas trop mal sortie. J'ai sorti discrètement une petite boîte en bois de mon cartable. Je l'ai ouvert tout doucement pour qu'ils se préparent à ce qu'ils allaient voir. José sautillait d'excitation. Amina se mordillait les lèvres. J'ai sorti fièrement ma sculpture. C'est... crache au feu ? C'est... unique. Voilà, on sent bien la patte de l'artiste. Crache au feu, vu par Laura. Il ne restait plus qu'à l'offrir à Marcus. Et ça, c'était un vrai problème, il n'était jamais seul. Je rêvais qu'on soit à tous les deux, qu'il découvre ma sculpture et qu'il me dise « Oh Laura, j'ai jamais eu un aussi beau cadeau. Je le mettrai sur ma table de nuit, comme ça, ce sera la dernière chose que je verrai avant de m'endormir et la première que je verrai le matin. » Ou un truc du style. Peut-être même qu'on se mariera. Sauf qu'à force d'attendre le moment parfait, on était rendu à la récré de l'après-midi sans que j'aie trouvé l'occasion d'offrir mon cadeau. Alors que tout le monde sortait de la classe, Amina et José sont venus me voir discrètement. « Alors, qu'ils donnent quand ?»« Je sais pas, c'est trop compliqué. » »« On pourrait, sauf au filer dans sa classe et le déposer sur son bureau. »« Mais comment il saura que ça vient de moi ? Je glisse un mot ?»« Non, laisse planer le mystère. »« Hein ?» C'est une technique de séduction ultra efficace. Dès qu'il aura posé les yeux sur ton crache au feu, il voudra absolument savoir qui l'a fait. Et paf, tu diras que c'est toi. Sauf qu'on ne sait pas où il s'assoit, et ensuite, le maître, il surveille la classe. Ben, on pourrait lui expliquer, et peut-être qu'il nous autorisera. Et risquer qu'il révèle tout à la classe, plutôt mourir. Hein. Alors, je vais lui apporter. Mais il va penser que ça vient de toi. Oh, mais t'inquiète, je lui dirai que ça vient d'une admiratrice secrète. Ah, ça, c'est brillant. Amina et José avaient tout prévu. Avec Amina, on devait passer par hasard à côté de Marcus et sa bande pendant que José lui donnerait ma sculpture. Marcus, Martin et Hugo étaient assis sur le muret de l'école. Comme à leur habitude, ils jouaient aux cartes Poké-Truc. Avec Amina, on s'est approchés, en faisant semblant de parler. Notre discussion n'avait ni queue ni tête. Heureusement que personne ne nous écoutait, sinon on nous aurait pris pour deux zinzins. Et puis José est arrivé comme une fusée, il s'est planté devant Marcus et lui a tendu la boîte. « Tiens, Marcus, de la part d'une admiratrice secrète !» Marcus a pris la boîte et José est parti aussitôt. Marcus a regardé le cadeau en fronçant les sourcils et il l'a ouvert. Martin et Hugo se sont rapprochés, il a sorti ma sculpture et il l'a observé en silence. « On dirait un crash au feu. »« T'as raison, Hugo, il est totalement raté !» Mon ventre s'est transformé en pelote de nœuds. Je regrettais de ne pas pouvoir devenir invisible ou mieux de me téléporter sur une autre planète. Moi, je l'aime bien. Je le trouve mignon. Marcus a manqué de lâcher la statue tellement la remarque de Martin l'a surpris. Je te le donne si tu veux. En plus, crache au feu, c'est nul. Je préfère mille fois Grubildo. Martin a pris ma statue et l'a remise délicatement dans sa boîte. Je crois que je vais le mettre sur mon étagère avec tous mes autres Poké-trucs. Mon ventre s'est dénoué d'un coup pour laisser de la place à des papillons. J'avais chaud aux joues. Ah, je me suis retournée vers Amina, qui m'a fait signe de la suivre. On a rejoint José, qui était assis sur notre banc près de la grille. Désolée, Laura. Tu y es pour rien. Hein. T'es pas trop triste? Ça va. J'ai bien senti que mes copains ne me croyaient pas trop. Pourtant, c'était vrai, j'allais bien. Même si Marcus n'avait pas du tout aimé mon cadeau. Et puis, j'ai dit tout bas, comme pour moi-même, « Il est trop beau, Martin. C'est vrai qu'il a quelque chose. » Et en plus, il apprécie tes sculptures. Voilà les enfants, j'espère que l'histoire vous a plu. N'oubliez pas de nous mettre plein d'étoiles sur votre application de podcast et de nous envoyer des messages sur les réseaux sociaux ou par mail. Ça nous donne plein de force pour la suite. N'hésitez pas non plus à parler des petites histoires à vos copines, à vos copains et pourquoi pas à votre maîtresse ou à votre maître pour occuper les temps calmes. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.